Jésus, Jésus, nous te répondons ce soir. mikono yangu, mimi baba yangu, nawe baba yangu, mbele yako mimi mikono yetu, mimi. Est-ce qu'on peut aller encore ensemble? Yahweh, Yahweh, encore une fois, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Jésus. Tu peux le faire encore. Yahweh, Yahweh. Dis-le qu'il est Seigneur. Est-ce que tu peux chanter? Oui, dis-le qu'il est le roi de rois. Il mérite nos adorations, Yahweh, Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Nous bénissons le Seigneur. Tunabariki tena Bwana. Pour sa grâce encore ce soir. Kwa neema yake tena jioni ya leo. Nous sommes en train de parler de l'Éternel, notre législateur. Tuko nazungumzia Bwana kuwa mfanya sheria wetu. Dimanche, nous avons vu que les cinq filles de Tsaphath ont sollicité à Moïse un changement de loi. Un changement de loi. Par rapport aux situations qu'elles vivaient. Kulinganisha na hali ambao walikuwa wakiishi. Elles ont réalisé qu'il y avait un réel problème. Waliweza kutambua ya kusema kulikuwa tatizo mnene. La situation ne pouvait pas changer. Hali ambao walikuwa haikuweza kubadilika. Aussi longtemps que la loi n'a pas changé. Japo tu sheria bado kubadilika. Il y a des gens qui veulent changer des situations dans leur vie. Kuna watu wanapenda kubadilisha mahali maisha yao. Alors que les lois qui sont sur eux n'ont pas changé. Japo tu ma sheria inakuwa juu yao hayabadilika. Et c'est comme ça que vous allez voir, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je vais vous donner un tatiso moja moja ne kona zala tena potatiso moja moja. Parce que les mêmes lois existent sur ta vie. C'est ma sheria moja moja ne kona ishi tena pa maisha yako. Les mêmes lois existent sur les familles. Ma sheria inakuwa katika machama. Les mêmes lois existent dans des quartiers. Ma sheria moja moja ne kona katika mita. Vous allez voir, les gens qui viennent de certains quartiers ont les mêmes problèmes. Les gens qui viennent de certaines familles ont les mêmes problèmes. Pour changer, il faut changer des lois. Et quand on est enfant de Dieu, il faut comprendre que Dieu a changé des lois. C'est comme ça que ses filles ont suivi Moïse. Ils n'ont pas demandé une nouvelle possession à Moïse. Ils ne sont pas partis demander chez les voisins. Ils ont dit à Moïse, change de loi. Notre vie va changer. Maisha yetu itabadilika. Ce soir, imangaribi, nous devons comprendre ce principe. Tunapasha kuelewa hii makanuni. Le changement de loi. Mabadiliko ya masheria. Change notre vie. Ikunabadilisha maisha yetu. Tu peux prendre autant de médicaments que tu veux. Unaweza kunywa madawa mingi vile unatamani. Mais si la cause qui amène la maladie n'est pas enlevée en toi. Ça sera difficile. J'ai tenu vraiment à continuer cet enseignement. Vous savez, dans la Bible, on trouve certaines choses. Je n'ai pas encore donné les textes de ce soir. Je vais les donner pour aborder certains points. Mais Paul, il dit dans Romains, Paulo anasema mwa Roma, beaucoup de choses. Le chapitre 7 parle de la loi. Romains chapitre 7 à partir du verset 21. Je suis en train d'introduire Romains 7 à partir du verset 21. La Bible dit ceci. Je trouve donc en moi cette loi. Na ona ndani yangu isheria, quand je veux faire le bien, wakati natamani kufanya mema, le mal est attaché à moi. Ata mabaya inaambatana nami. Je veux faire le bien. Napenda kufanya mema, mais le mal est attaché à moi. Lakini mabaya inakuwa ndani yangu. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Nani ataweza kuniondoa kamba ya hii lufu? Paul a vécu ces choses. Paulo aliweza kuishi vivito. Il dit non, je trouve en moi qu'il y a une loi. Na una ndani yangu kusema mnakuwa sheria. Qui agit sur mon corps. Iko na tena ndani yangu. Mais ce n'est pas la bonne loi. Lakini haina sheria nzuri. Parce que cette loi qui agit sur mon corps, kwa sababu sheria ambayo inakuwa na tena ndani yangu. Quand je veux faire le bien, wakati natamani kufanya mema, je trouve que j'ai déjà fait le mal. Nachikuta nishakufanya mabaya. Donc pour que je fasse le bien, ili tu nipate kufanya mema, je dois être délivré de cette loi. Napasha kufunguliwa kwa hii sheria. Et c'est comme ça que Jésus est venu. Nani hivi Yesu aliweza kuja? Pour changer de loi. Tu ya kubadilisha masheria. Bien aimé, j'aimerais que tu prennes conscience de ça. Pendwa natamani upate kubeba dhamiri. Ta vie ne va pas changer. Maisha yako haistabadilika. Si les lois qui régissent ta vie ne changent pas. Kama tu masheria inakuwa nakumbanisha maisha yako haibadilika. Ta maison ne va pas changer. Nyumba yako haistabadilika. Ta situation ne va pas changer. Hali yako haistageuka. Alors, je vais lire maintenant le texte. Ta soma usomi. Qui va nous aider. Je vais prendre juste quelques points et nous allons prier. Ta beba manukta chache kisha tutaomba. Hébreux chapitre 7. Wa Ibrania sura yake ya saba. Du verset 12 au verset 18. Mustari wa 12 paka mustari wa 18. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Le sacerdoce étant changé, nécessairement, Dieu dit, le Saint-Esprit nous dit, nécessairement, il y a un changement de loi. Si tu ne comprends pas dans ta vie que la loi a changé, mais tu ne sauras rien faire. Il y aura beaucoup de limites dans ta vie. Il y aura beaucoup de niveaux auxquels tu n'accéderas jamais. Il y a beaucoup de choses qui viendront dans ta vie malgré que tu ne les aimes pas. Il y a changement de loi. Dieu veut changer les lois dans la vie de quelqu'un ce soir. Verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Je m'arrête d'abord là-bas. Dans les tribus que la loi de Moïse avait prévues pour être lévite, pour faire le sacerdoce, pour être à l'autel, pour être comme moi, pasteur, dans les tribus là, Moïse n'avait jamais prévu la tribu de Juda. Musa ashkuweza kutarisha ata kabila wa Juda. Il a prévu les Lévites. Les gens de la tribu de Lévi. Pas les gens de la tribu de Juda. La loi Sharia a prévu les gens de Lévi. Pas les gens de Juda. Apana watu wa Juda. Mais le meilleur sacerdoce, Lakini ukoani tuku. Dieu n'a pas donné à Lévi. Mungu asikuleta kwa Lévi. Dieu a donné à Juda. Mungu ayuleta kwa Yuda. C'est comme ça que l'écrivain, le Saint-Esprit nous dit dans Hébreu, Jésus n'est pas venu de Lévi. Il est venu de Juda. Et il a fait le service que Moïse n'a pas prévu pour les gens de Juda. Oh, je vais dire à quelqu'un ce soir, tu feras le service. Tu feras des choses. Tu accéderas des positions que les hommes n'ont pas prévues pour ta tribu, pour ta famille, mais que Dieu a prévu. Alléluia. Amen. Le problème, tatizo, c'est de comprendre qu'il y a changement de loi. Ni kuelewa kuna kwa mabadiliko ya sheria. Si je deviens enfant de Dieu, kama tunakuwa mtoto wa Mungu, il y a changement de loi. Kuna kwa mabadiliko ya sheria. Écoutez les versets suivants. Sikieni msomo usome ufuatao. Cela devient plus évident encore quand il apparaît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Ok, je parle juste de trois choses de Melchisédek. Abraham rencontre Melchisédek. Ce Melchisédek dont on parle, dans Genèse 14, on dit, il est roi de justice. Il est roi de paix. Il est sans origine. Justice, paix, sans origine. Salama bila chanzo. Et Abraham lui donne sa dîme. Et il bénit Abraham. Na anabariki Ibrahim. La Bible dit de Jésus-Christ que son origine remonte aux temps anciens. Il est le prince de la paix. Donc Melchisédek préfigurait Jésus-Christ. Et Abraham devait lui donner la dîme. Or la dîme, on la donne au plus grand, c'est-à-dire Dieu. Si Abraham a donné la dîme à Melchisédek, Melchisédek était plus grand que notre père Abraham. Il y a changement de sacerdoce. Il y a changement de loi. Comment veux-tu accepter d'être chrétien et ne pas comprendre que Dieu a changé la loi dans ta vie et accepter de vivre la même loi? Je ne parle pas des mêmes choses. Je parle des mêmes lois. Si je change la loi, je change des résultats. Ce soir, si tu changes de loi, si tu crois que tu as changé de loi, les résultats vont changer. C'est comme ça que ces filles, dans Nombre 27 qu'on a lu le dimanche, ont suivi Moïse pour que Moïse suive Dieu. Notre problème, ce n'est pas seulement la situation que nous vivons. Aina ali ambayo tunakotukisha hapa. Notre problème, tatizo yetu si c'est changer la loi. Ni kubadilisha sheria. Quand je change la loi. Wakati nabadilisha sheria. La loi va me donner des choses que les hommes ne peuvent pas arrêter. Ile sheria wanaweza kunipa watu waweze kusimamisha. À chaque époque, quoi qu'il atteigne, il y a des lois. Kuna koma sheria. À chaque âge, kwa kila miaka, il y a la loi. Kuna kwa sheria. Il y a des lois à ton âge. Kuna kwa sheria tamule umri yako. Que tu ne dois pas accepter. Ila uwezi kuyaishika. Tu es encore petit. Ukingari mdogo tena. Unaishi bintu bya watu wakubwa. Mais tu vis des choses des grandes personnes. Ata maombi yenyewe. La prière. Les enfants leur loi. Batoto na sheria yao. Les adolescents leur loi. Ata wale watini zaidi na sheria yao. Le monde. Ulimwengu. A un traitement des mineurs. Inakota na mambo ya kutumia watoto. Comment tu vas accepter? Yisi kanu naweza kuichika. Un jour que tu ne peux pas porter. Siku moja auweze tena kuvaa. Un jour que tu ne peux pas porter. Hata kikombe kila uweze kubeba. Il y a changement de loi dans ta vie. Kuna kwa mabadiliko ya sheria mu maisha yako. Ça, Jésus a fait. Quand on devient enfant de Dieu, Jésus qui a fait cela. Mais tu dois seulement le vivre. Verset 23 à 25. Je vais m'arrêter ici, vous compris. Parce que je dois respecter le temps. Verset 23 à 25. De plus, tenant, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Il y a eu des sacrificateurs. Aaron, Eliezer, il y a eu des prêtres, il y a eu des pasteurs, il y a eu des prophètes. Pastori. Mais la mort les empêchait tous d'être permanents. Quels que soient les sacrificateurs, quel que soit le prophète. Ingawa unabi. Verset 24. Mais lui, Baliere, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Kwa kuwa na kuwa kimiliki nao ukoani wasipo kuishika. Transmissible, qui ne peut pas se partager, qui ne peut pas se donner. Se donner, se transférer, qui n'est pas transférable. Voilà. Un sacerdoce qui n'est pas transférable. Verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il y a des versets quand vous les lisez. On dit qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Prenons Dieu au mot. C'est-à-dire qu'il y a deux lois. Deux sacerdoces deux lois. Le constat de Dieu, il a compris que la première loi est inutile dans notre vie. Et le premier sacerdoce est inutile. Et Dieu décide de changer. Hébreux 9, 1. Hébreux chapitre 9, verset 1. La première alliance avait des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Donc la première alliance, les premières lois, c'était des choses terrestres. Verset 10. Verset 10 rapidement. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient les ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Je vous dispense de tous les autres versets avant. Mais je voulais prendre un mot qui m'a fait tiquer quand je méditais. Donc la première loi avait des choses charnelles qui nous étaient imposées. Imposées. Il y a plusieurs personnes kuna watu wengi kabisa qui ne savent pas que les lois ont changé, wanafikiria kusema masheria yanabadilika, mais qui vivent encore des choses imposées. Lakini wako naishi vitu vyenye kulazimishwa. Les choses que le monde nous a imposées. Vitu ambavyo ulimwengu uliweza kutulazimisha. Les choses que les sociétés imposaient à la famille. Vitu ambavyo jamii iliweza kulazimisha. Les choses que la société a imposées. Non, bien-aimé, on est enfant de Dieu. N'accepte pas de vivre les choses que le monde t'impose. Il y a des maladies qui sont une imposition du monde des ténèbres. Il y a des problèmes qui sont une imposition du monde des ténèbres. Dans Jean chapitre 9, Jésus vient avec ses disciples. Il croise quelqu'un qui est né aveugle. Ses disciples lui posent la question. Qui a péché, nani aritenda zambi, lui ou ses parents, pour que cet homme naisse aveugle? Yeye au wazazi wake ili huyu apate kuzalika kipofu. Donc cet homme, huyu mtu, semble une situation imposée. Ni hali ambayo ruweza kumulazimishwa. La bonne nouvelle ce soir, habari njema jioni ya leo, il y a changement de loi dans nous. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour le Seigneur? Il a changé de loi pour nous. Il a changé de loi pour nos vies. Quand tu vas arriver au ciel, tu vas te dire que j'avais déjà changé. Pourquoi tu acceptes cette situation? Bien, mais change la loi. La situation va changer. Alléluia. Amina. Change la loi. Badirisha sheria. La situation va changer. Ali nayo tabadirika. Vis la nouvelle loi de Dieu. Ishi al sheria mupya ya Mungu. Ta vie va changer. Maisha yako itabadirika. Nous nous mettons debout. Tunasimamia yulu. J'aimerais qu'on prie. Natamani tupate komba. Nous allons prier. Tutaomba. Nous allons prier. Tutaomba. Le sacerdoce étant changé. Ukoani ruweza kubadirika. Il y a changement de loi. Quelles sont les lois qu'on t'a imposées? Aujourd'hui, tu vas commencer à prier et à déclarer. Leo, utaanza kuomba na kutangaza. Je ne vis plus sous ces lois-là. Dieu a déjà changé de loi. Mungu ashakubadilisha masheria. Il a déjà changé de loi. Ashakubadilisha masheria. Mais ce n'est pas parce qu'on t'a maudit que c'est valable. Aina kusema waweza kukulaani inawezekana. Non. Apana. Vous savez, c'est ça l'inconvénient des réseaux sociaux. Je tatizo moja tu ya mtandao wa kijamii. Tu ne peux pas vivre ta vie avec les réseaux sociaux. Hawezi kuishi maisha yako na mtandao wa kijamii. C'est pas parce qu'il m'a maudit que ça a des effets. Aina kusema ruhusa kunilaani cho nakuwa na matokeo. Dans Nombre chapitre 23. Mwesabu 23. Balak il prend Balaam. Balak anamchukua Balaam. Il lui dit, il lui donne les principes comment maudire quelqu'un. Anamonesha makanuni gisi gani kulaani mtu. Tu vas bâtir l'hôtel. Utachenga hata masaba. Je vais te donner l'argent. Nitakupa feza. Il lui donne l'argent. Analeta feza. Il bâtit l'hôtel. Wanachenga hata masaba. Balaam lui dit non. Balaam anamwambia kuja sasa. Il y a des principes. Kuna kwa makanuni. Amène ton sacrifice. Leta tu sadaka yako kuteketeza. Amène le taureau. Balaam ne analeta tele ngombe. Sept taureaux. Bangombe tano. Bon, mets-les sur l'autel. Anasema baweke pale. Je vais maintenant ouvrir ma bouche pour maudire Israël. Kisha mitafungua kinywa changu na kulaani Israël. Imposer la loi Israël. Ruweza kumlazimisha hata ile sheria ya Israël. Quand il prononce les oracles. Wakati anaanza kusema ile misemo. Au lieu de le maudire. Kabla pate kumulahani, il est béni. Anaanza kumubariki. Balak lui dit, mais comment tu le bénis? Balak anamwambia gisi kenu unakuwa kinibariki tena. Tout simplement. Anamwambia tu, un. Kya kwanza. Comment maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Gisi kani nitaweza kulaani mtu ambaye Mungu asikumlaani? Ça ne marche pas. Abiendeka chapana. Si Dieu ne t'a pas maudit. Kama Mungu asikukulaani, malédiction n'a pas d'effet sur toi. Laana yote haina tena matokeo kwa maisha yako. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Ubarikiwe Mungu wetu. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Ariweza kutubariki na mabaraka yote. Dans les lieux célestes. Mufasi ya juu. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens le premier chapitre. Joile Paulo anasema mstari wake wa kwanza. 2. Kia pili. Il dit à Balak. Anasema na Balak. L'enchantement. Ata ile maumivu. Le verset 23-24. L'enchantement ne peut rien contre Israël. Maumivu haiwezi kitu kwa Israël. Ni la divination. Donc ce n'est pas parce que les hommes font des sorcelleries. Aina kusema tu watu wanakuwa kifanya maarifa. Que ça doit marcher. Ya kusema inawezi kuwezekana. Ce soir. Jioni ya leo. La loi est changée. Sheria inabadilika. La loi est changée. Sheria inabadilika. Toutes les lois que les hommes voulaient imposer. Ma sheria yote ambayo watu waliweza kulazimisha. Je déclare ce soir. Tunayatangaza jioni ya leo. Que ces lois sont nulles et de nul effet. Ile ma sheria haina na matokeo. Les lois de l'échec parmi tes enfants. Ma sheria ya kushinda watoto wako. Les lois où dans la famille personne ne prospère. Ma sheria ya watu mjamaa wapende kuendelea. Ce soir. Hii mangaribi. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Je déclare. Tunatangaza. Ces lois sont sans valeur. Ile ma sheria aina na matokeo. Les lois des maladies qui circulent dans le sang. Ma sheria ya magonjwa. Je déclare ce soir. Watangaza ichoni. Que ces lois n'ont pas de fait. Ile ma sheria aina na matokeo. Les lois des morts prématurées. Ma sheria ya lufu kwa ghafla. Je déclare ce soir. Tunatangaza ichoni. Que ces lois n'ont pas de fait. Ile ma sheria aina na matokeo. Aujourd'hui. Leo. Je déclare. Tunatangaza. Il y a un changement de loi. Kuko mabadiriko ya sheria. Et je veux vivre dans ma vie. Na inapasa kuyaishi maisha yangu. Dans cette église. Napasa kuyaishi ndani ya kanisa. Changement de loi. Mabadiriko ya sheria. Décrété dans le nouveau sacerdoce. Alléluia. Par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Le roi de paix. Sheria ya justice. Sheria ya wake. Aki Abraham. Ile risema Ibrahim. Adonai sadi. Aliweza kuleta chakumi. Elève ta voix. Nyanyua sauti yako. Commence à prier maintenant. Anza kuomba. Commence à prier maintenant. Anza kuomba sasa. Commence à prier maintenant. Anza kuomba sasa. Commence à prier maintenant. Anza kuomba sasa. Commence à prier maintenant. Anza kuomba. Commence à prier maintenant. Anza kuomba. Au nom de Jésus. Mushina la Yesu. Au nom de Jésus. Mushina la Yesu. Au nom de Jésus. Mushina la Yesu. Au nom de Jésus. Mushina la Yesu. Je déclare ce soir. Il y a changement de loi dans l'église. Il y a changement de loi dans ma famille. Nous atteindrons des lieux élevés. Nous atteindrons des positions élevées. Je déclare ce soir que toutes les lois qui ont imposé les maladies, qui ont imposé les échecs, qui ont imposé la mort dans ma famille, dans ma vie, dans les enfants, je déclare que ces lois sont sans valeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a changement de loi. Il y a changement de loi. Je déclare pour ta vie. Merci. Il y a changement de loi. Je déclare pour ta maison. Il y a changement de loi. Je déclare pour ton foyer. Alléluia. Il y a changement de loi. Alléluia. Je déclare pour tes finances. Alléluia. Il y a changement de loi. Alléluia. Il y a changement de loi. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Oh, merci Seigneur. Commence à changer tes choses dans la vie. N'accepte plus qu'on t'impose des choses. N'accepte plus ce que le monde t'a imposé. N'accepte plus ce que la sorcellerie t'a imposé. N'accepte plus ce que les hommes t'ont imposé. Il y a changement de loi. Il y a changement de loi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a changement de loi. À partir de ce soir, nous allons vivre le changement de loi dans nos vies, dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.